Voici deux sonnets pour évoquer l'antique Égypte où Khem, K-H-E-M, on devait plutôt prononcer Rem, équivalent du dieu Horus, Phré et Amon-Ra étaient des divinités solaires. Vision de Khem. Premier sonnet. Midi. L'air brûle. Et sous la terrible lumière, le vieux fleuve Alangui roule des flots de plomb. Du zénith aveuglant, le jour tombe d'aplomb et l'implacable Phré couvre l'Égypte entière. Les grands sphinx, qui jamais n'ont baissé la paupière, allongés sur leurs flancs que baigne un sable blond, poursuivent d'un regard mystérieux et long l'élan démesuré des aiguilles de pierre. Seul, tachant d'un point noir le ciel blanc et serein, au loin, tourne sans fin le vol des gypaètes. La flamme immense endort les hommes et les bêtes. Le sol ardent pétille, et l'Anubis d'airain, immobile au milieu de cette chaude joie, silencieusement vers le soleil aboie.